Selon les presses sud-coréennes, la grève générale pour l'abolition des emplois irréguliers, l'augmentation du salaire minimum et le droit des activités syndicales a éclaté le 30 juin à Séoul sous les auspices de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques. Y ont participé plus de 60 000 ouvriers aux emplois irréguliers des syndicats affiliés de la Confédération. Le rassemblement de la grève générale a eu lieu sur la place Gwanghwamun. Après le rassemblement, les participants ont livré la manifestation jusqu'à Jongno et se sont réunis de nouveau afin d'y exprimer leur volonté de lutter énergiquement pour leur droit à l'existence. Ce jour-là, les autorités de sécurité publique ont dépêché à l'endroit du rassemblement 75 compagnies de police pour ainsi créer le climat de répression. En outre, les délégués des syndicats restants dans les usines et entreprises en grève ont publié un manifeste exigeant le droit de faire un repas chaque jour par l'augmentation du salaire minimum, le droit de travailler sans distinction et inquiétude de l'embauche, et aussi le droit d'effectuer les libres activités syndicales.